Chapitre 22e. Pendant les premiers 6 mois, tout sembla se passer d'une manière très satisfaisante. Tekla avait gagné tout à fait le cœur de la comtesse, et même, chose plus difficile, celui de la jeune baronne, qui à la fin de son séjour d'automne l'appelait ma cousine. Marthe, toujours tranquille et silencieuse, regardait son enfant s'épanouir dans cette atmosphère élégante et simple où tous les bons instincts devaient trouver leur développement. On parlait de Xavier souvent, on en parlait toujours à vrai dire, et quand on se taisait c'était pour y penser. Tekla y songeait comme en un rêve. Son bonheur avait été si rapide, la chère présence était si vite envolée, qu'elle n'eût osé croire réelle aucune de ses délicieuses émotions, si sa nouvelle existence n'eût été une garantie à la fois du présent et de l'avenir. Marthe avait peur parfois, peur de ce qu'on pensait, et ressentait là-bas ce beau jeune homme semblable à un prince des contes de fées. Tant de choses pouvaient arriver, qui le détourneraient de son premier amour, cette chose exquise et fragile. Mais la grande force de l'âme humaine est d'espérer, même au milieu des doutes les plus cruels, et Marthe espérait. Xavier, d'ailleurs, ne donnait aucun sujet de crainte. Il écrivait à Tekla des lettres fort tendres et à sa tante des lettres fort drôles, dont Tekla bénéficiait aussi. Ainsi que l'avait dit la comtesse, le jeune homme ne savait pas le premier mot de la vie, et cette science lui paraissait plus amusante à apprendre que les mathématiques pour lesquelles il n'avait jamais eu la moindre inclination. De temps en temps, il tombait dans quelque aventure comique qu'il s'empressait de narrer, à l'inépuisable joie des trois dames solitaires. Vraisemblablement, il ne leur contait pas tout. Ce que la comtesse était cela soupçonnait, mais ce qu'il contait faisait la joie des soirs d'hiver. « En attendant que je puisse m'adonner à une première vocation qui est d'être heureux, écrivit-il un jour, je m'en suis trouvé une seconde. Je suis peintre. Oui, ma tante, peintre pour de bon. » C'est le séjour d'Italie et la contemplation des maîtres qui ont produit ce résultat étonnant, stupendo. J'avais jadis dessiné comme tout le monde, et à l'école militaire où j'étais, j'avais obtenu une certaine réputation grâce à mes caricatures. Maintenant je fais la caricature de tout, des tableaux de maîtres, des paysages qu'offre la belle nature, de tout, vous dis-je, seulement je ne le fais pas exprès. Je m'applique honnêtement à copier ce que je vois. Il paraît que je vois comme cela. C'est désolant, mais la difficulté excite mon ardeur et je m'applique à devenir un grand peintre. Si j'y arrive jamais, cela vous surprendra beaucoup, ma chère tante, mais assurément moins que moi. On me croit français ici, et l'on m'y appelle Xavier tout court, sans titre ni distinction. Vous ne sauriez croire combien cette simplicité de mœurs me charme, pour le moment, et combien il m'est doux de passer pour un peintre français. La seule chose qui me contrarie, c'est qu'on ne me trouve pas beaucoup de talent. Mais je suis jeune, ce que chacun s'accorde à reconnaître, même vous, mon implacable tante, et le talent peut venir. En attendant, le plaisir de mélanger des couleurs sur une palette dépasse tout ce que l'imagination peut concevoir. Le résultat n'est plus que chose secondaire. La peinture, se dit la comtesse en repliant la lettre, cela vaut mieux que le jeu et l'oisiveté. Cependant, je crains qu'avec des artistes, ils ne voient bien mauvaise compagnie. Février s'écoula, puis mars, et Xavier ne parlait plus de peinture. Sa tante s'en émut un peu et lui demanda ce qu'il avait fait de son ardeur. La lettre qui lui arriva vers la fin d'avril jeta la consternation dans son âme de vieille dame bien élevée. Dès les premiers mots, elle gagna sa chambre pour la lire en paix, et plus d'une fois elle se leva pour s'assurer que personne ne se tenait derrière la porte. Il lui semblait que si quelqu'un voyait seulement ce papier fatal, son neveu était perdu. « Ma chère tante, écrivait Xavier, je viens de passer par des émotions extraordinaires, si extraordinaires que je ne puis résister au besoin de vous en faire part. Vous me blâmerez sans doute de m'y être exposé. À cela, je vous réponds d'avance que si j'étais resté à Bella, heureux époux de ma chère Tekla, je n'eusse point songé à courir les aventures. Mais ici, banni, séparé de ceux que j'aime, j'ai cherché des distractions, et si celle que j'ai trouvée est dangereuse, au moins est-elle honorable. Vous savez, ma tante, quel désir puissant de liberté agite les âmes de toute cette jeune Italie. Ce n'est pas vous qui vous étonnerez de savoir que mon cœur a battu à l'unisson de ces cœurs généreux. Parmi les jeunes gens dont je fis connaissance à l'école artistique de Ravenne, ils s'en trouvaient de plus intelligents et de plus brillants que tout ce que j'avais rencontré jusqu'alors. Je ne tardais pas à m'apercevoir que leur supériorité provenait de leurs opinions politiques. Tous ces jeunes hommes remarquables étaient affiliés à la cause. Qu'est-ce que c'est que la cause ? Vous me permettrez de ne pas vous le dire, ma tante. J'ai juré de me taire jusqu'à la mort, inclusivement. Mais ce que je puis vous révéler, c'est lorsque je le sus, mon âme bouillonna d'enthousiasme et je jurai de la servir. Ah, le malheureux ! S'écria la comtesse. Elle se remit pourtant et voulut continuer sa lecture, mais le papier tremblait dans sa main et elle fut obligée de le déposer sur la table pour pouvoir suivre les lignes. La cause, ma tante, si vous saviez combien, à partir de ce moment, elle hanta mes rêves. Je n'avais qu'elle dans la tête, elle trottait dans mes songeries et de temps en temps, entre moi et le tableau du Pérugin, dont je faisais au musée une copie approximative, je voyais se dresser une grande femme vêtue de deuil, les cheveux épars, qui faisait des gestes désespérés sur un fond d'incendie. Je ne puis vous dire combien le Pérugin perdit à ses visions révolutionnaires. Pour me délivrer de cette obsession, je tentai de dessiner la cause. J'en fis 4 ou 5 esquisses, tantôt sur fond de fumée, avec une torche à la main, tantôt sur fond rouge, avec des fers brisés, et j'ensevelis ces dessins compromettants, sanguine et crayon compté, derrière un gros paquet d'académie sur papier gris, au fond de mon carton, de peur de compromettre, non moi-même, je risquais courageusement ma tête, mais l'idéal incorruptible qui remplissait mes pensées. Pour plus de sûreté, tant j'avais peur d'être reconnu pour un affilié, j'avais écrit au bas de mes études « Furie, Euménide, la vengeance poursuivant le crime ». Au moins, de cette façon, si mon carton était fouillé, il ne trahirait que les études solitaires d'un élève peintre préoccupé d'un art plutôt décoratif. Un soir, comme j'allais entrer dans le café où nous avions l'habitude de nous réunir, je vis s'approcher un autre affilié. « Veux-tu fumer une cigarette ?» me dit-il d'un air dégagé. C'était le mot convenu lorsque nous avions à nous faire des communications importantes. Cela n'avait l'air de rien. Ce n'était pas compromettant, et l'on pouvait s'en aller sans attirer l'attention. Je répondis traditionnellement « Un cigare même, si tu veux ». L'affilié passa son bras sous le mien, et nous sortîmes sans allumer le moindre cigare. C'était une imprudence, et je crus voir des yeux de sbire nous épier comme nous traversions la grande place. Quand nous fûmes au milieu du vaste désert, que les habitants de l'endroit nomment leur place publique, l'autre affilié me dit à l'oreille « Il y a du nouveau ». « Où ça ?» lui demandai-je. « On te le dira, suis-moi ». Nous nous faisions un devoir sacré de mettre du mystère dans toutes nos actions. Mon ami l'affilié aurait bien pu me dire tout de suite que nous allions au lieu ordinaire de nos réunions, mais « suis-moi » était bien plus dramatique. Je le suivis sans la moindre hésitation, et nous nous trouvâmes dans un cabaret borgne, près du rivage de la mer, où se réunissaient le jour quelques pêcheurs et la nuit les défenseurs de la cause. Le propriétaire de cette masure était lui-même un affilié, et chez lui nous étions en sûreté. L'assemblée se composait de 7 ou 8 membres assis autour d'une table énorme, mais une telle gravité était empreinte sur leur visage que je compris aussitôt combien la chose était sérieuse. « Vous êtes disposé à servir la cause ?» me dit notre chef d'un air solennel. C'était un jeune homme de 22 ans, long et mince, avec la plus belle tête rousse que jamais Patricien de Venise ait eue sur ses épaules. D'ailleurs, pas plus vénitien que vous ni moi. « En tout, pour tout et partout, » répondis-je d'un ton assuré. Mes compagnons se regardèrent d'un air de triomphe et je sentis que j'étais bien près d'être un héros. « Vous sortez souvent de la ville pour faire des études de paysage ?» continua le chef en me regardant d'un air magnanime. « Oui, » répondis-je un peu interloqué. « Vous rapportez les études ?»« Oui, » dis-je encore frémissant intérieurement à la pensée que peut-être mes esquisses de la cause auraient été découvertes et me mettaient, ainsi que mes frères d'armes, dans un danger aussi réel qu'imminent. L'idée de fuir avec eux me passa dans le cerveau comme un éclair d'orage, mais s'évanouit aussi vite. Est-ce que vous ne vous servez pas d'une boîte à couleurs ? À couleurs, oui. Quelquefois aussi j'emploie du pastel, mais pour le plein air, c'est trop fragile. Le chef écarta d'un geste magnifique ses considérations terre à terre. De sorte, reprit-il, que les employés de l'octroi ont l'habitude de vous voir passer avec des paquets, des boîtes, enfin, des objets. Oui. Principalement une petite valise en toile, c'est très commode. Au mot valise, ils s'entre-regardèrent tous, et je vis que mon sort était décidé. Vous allez servir la cause, me dit le chef avec majesté. Je sentis mon cœur bondir dans ma poitrine, sans pouvoir trop définir si c'était de joie, d'impatience ou d'inquiétude, mais je vous certifie que dans tous les cas, ce n'était pas de frayeur, dans ce moment-là. Le chef reprit en parlant plus bas et en coupant ses phrases. Ce n'était pas nécessaire, mais cela donnait plus de solennité à ses paroles. Un homme viendra demain par le chemin de fer. Il portera une petite valise. Vous vous trouverez à la gare, comme si vous aviez fait un paysage et que la fantaisie vous eût pris de revenir par là. C'est demain, le samedi saint. Le chemin de fer amènera beaucoup de voyageurs pour les vacances de Pâques. Vous prendrez la valise de ses mains. Voici sa photographie. Il a la vôtre avec un chapeau de feutre mou. Ayez un chapeau de feutre mou. Vous prendrez la valise et vous empêcherez les employés de l'octroi de la fouiller. Diable, pensais-je tout bas. Et je dis tout haut. Qu'est-ce qu'il y a dedans? 5 livres de dynamite, répondit le chef en me regardant dans le blanc des yeux. Je frémis intérieurement. 5 livres de dynamite ne sont pas un fardeau des plus agréables. Mais il n'y avait rien à dire, j'avais juré de servir la cause. Si la cause préférait se servir de dynamite, c'était son affaire et non la mienne. C'est du moins ce que semblaient penser les autres. « Et qu'est-ce qu'il faudra en faire ?» me hasardai-je à demander. « Voici. Il faut la garder soigneusement jusqu'à l'heure du départ du bateau à vapeur qui va à Raguse. Quand ce moment sera venu, vous la porterez à l'embarcadère et vous la remettrez aux mains du second chauffeur. C'est un affilié. Il est prévenu. Il l'emportera et se chargera de la remettre à nos frères de là-bas. « Qu'est-ce qu'ils en feront ?» demandai-je, encore un peu abruti par tant de révélations. « Elle servira à faire sauter le palais des tyrans, » répondit le chef d'un air morne. « S'il avait fallu les faire sauter moi-même, j'aurais probablement hésité. Mais pour l'instant, il me paraissait que le plus grand danger de sauter était réservé à ma propre personne. Aussi, je pris un air fort digne et je m'inclinai en silence. « Et quand le bateau sera parti, » ajouta le chef, « vous viendrez nous rendre compte de votre mission. Nous serons tous à prendre des glaces au café de la place. Séparons-nous. N'oubliez pas que le salut de vos frères repose entre vos mains. » On se sépara avec un luxe de précautions inimaginables, et je rentrai chez moi où je passai une fort mauvaise nuit. Le lendemain, toujours afin de dépister les soupçons éventuels des sbires, je partis de grand matin pour la campagne. Je marchai longtemps dans les environs. Il faisait un temps superbe, nous étions en plein avril, mais rien n'est moins boisé que les environs de la ville en question. Le soleil d'Italie, tant chanté par ceux qui font des vers ou de la prose à l'ombre, frappait sur mon feutre mou. Bravant toute fausse honte, j'ouvris un parasol et je me promenai jusqu'à 10h moins le quart en ayant soin de me rapprocher peu à peu du chemin de fer. J'étais à 100 mètres de la gare lorsque j'entendis derrière moi un sifflet strident. C'était le train qui m'apportait la dynamite. Ciel, si j'allais le manquer. Fouillé, saisi, interrogé, l'affilié mystérieux qui devait me reconnaître à ma photographie mourrait plutôt que de parler, et moi, déshonoré, je serais livré à la vindicte de mes frères d'armes. Je pensais alors avec une ombre de regret que s'il était arrivé un accident au train, tous ces dangers... Mais il n'était arrivé aucun accident. Je courais comme un lièvre, si bien que le train et moi, nous entrâmes en gare en même temps. La plateforme fut en un clin d'œil inondée de voyageurs et de petites valises. Comme je cherchais à reconnaître l'original de la photographie que j'avais dans ma poche, je sentis serrer mon bras. On me glissa quelque chose dans la main. Je regardais autour de moi, on me bousculait horriblement et je ne pus distinguer aucun visage. J'examinai alors ce que j'avais dans la main. C'était la poignée d'une petite valise. J'avais été reconnu. La photographie me ressemblait. « Hé, garde donc !» cria une voix en un italien des plus sonores. Au même moment, je reçus un coup dans les jambes et je faillis tomber. On emportait les malles et l'on me poussait de tous côtés. Ahuri, je me laissais faire. Tout à coup, un souvenir scientifique me traversa le cerveau comme la lame d'un poignard et il me sembla relire en grosses lettres dans mon traité de chimie « La dynamite éclate par le choc ». Ce principe me donna une activité extraordinaire. Serrant ma chère valise sur ma poitrine et la protégeant d'un bras étendu, je me fis un chemin à l'aide de l'autre bras et j'y mis quelque empressement, car je me trouvais dehors bien avant que le train eût cessé de verser des voyageurs sur le quai. Je sautai dans une voiture, sorte de petite calèche découverte, unique véhicule en usage dans notre ville, et j'indiquai au cocher l'adresse d'un hôtel où j'étais descendu lors de mon arrivée, avant de loger en chambre garnie. Les propriétaires, qui étaient d'excellentes gens, m'avaient toujours bien accueilli. nous partîmes d'un train d'enfer. Les chevaux italiens partent toujours à merveille. Ils arrivent d'ailleurs comme ils peuvent. De plus, j'eus l'imprudence de promettre un bon pourboire. La porte de la ville s'approchait rapidement, et je voyais les employés de l'octroi causer entre eux comme si le thermomètre n'avait pas marqué 35 degrés. S'ils veulent le regarder, pensais-je, ne vaudrait-il pas mieux me livrer tout de suite que de les exposer à périr avec moi? Cette porte courait à nous avec une rapidité vraiment surprenante. Le cocher fouettait son cheval avec furie. Enfin, il s'arrêta court devant la grille. Un employé s'approchait, et je voyais ses mains, qui me semblaient énormes, se diriger vers la valise, lorsqu'un de ses collègues lui cria « Laisse donc, c'est le peintre français !» Ému de joie, plus que je ne saurais le dire, je fouillai rapidement dans ma poche et je tirai mon trousseau de clés pour montrer ma bonne volonté. Mais les deux employés m'avaient déjà tourné le dos et paraissaient avoir oublié l'existence de l'être insignifiant désigné sous le nom du peintre français. Le cocher fouetta sa bête avec la même furie et nous voici courant à toute vitesse dans les rues poussiéreuses de la vieille ville. J'avais placé ma précieuse valise en face de moi, sur la banquette de devant, et je la couvais de l'œil avec des regards de mère inquiète, lorsque je crus voir un symptôme étrange se manifester à son extérieur. La toile grise qui la recouvrait me semblait jaunir par places. J'y portais timidement la main, elle était brûlante. Mes rapports antérieurs avec la dynamite se bornaient à savoir qu'elle éclate sous le choc. Il me semblait bien aussi qu'elle éclatait également sous l'impression d'une étincelle, ou peut-être même d'une chaleur intense. Ces diables de produits chimiques, on ne sait jamais de quoi ils sont capables. Qui sait si le changement de couleur de la valise n'indiquait pas une modification dangereuse dans l'état de son contenu? Je n'y pouvais rien, rien que d'ouvrir mon parasol et de le tenir avec sollicitude, non sur mon propre individu, qui grillait de son mieux, mais sur l'objet sans prix confié à ma garde. C'est ainsi que j'arrivai à l'hôtel indiqué. En me voyant descendre de voiture, les garçons se précipitèrent sur moi pour m'arracher mon petit colis, que je défendis avec une énergie singulière. « Le patron » criai-je, « le patron tout de suite !» Le patron arriva et me donna une poignée de main terrible. « Patron !» lui dis-je avec un sang-froid qui me parut extraordinaire et qui l'était, vu les circonstances. « Voici une valise qui contient des papiers de famille. Je l'envoie à Ragusse par le bateau de cet après-midi. En attendant, j'ai différentes personnes à voir et je ne veux pas la porter avec moi. » Et puis une chose de cette importance ne se confie pas à tout le monde. Je me méfie de ma servante. Ajoutai-je à voix basse et d'un air mystérieux. « Je comprends, » fit mon hôte en clignant de l'œil. « Il faut vous serrer cela dans un endroit sûr. Regina !» Une jolie petite fille de 8 ans accourut et me sauta au cou. Depuis mon arrivée dans la ville, elle m'avait toujours chérie à cause d'une boîte de chocolat praliné dont je lui avais fait hommage. « Que veux-tu, papa ?» demanda-t-elle à l'hôtel qui la regardait avec complaisance du haut de son double menton. « Conduis le jeune monsieur dans la chambre verte au premier. Il y a un placard auprès de la cheminée. La clé est à la serrure. Il mettra sa valise dans le placard et pour plus de sûreté, il emportera la clé dans sa poche. » La petite fille me prit par la main pour m'entraîner vers l'escalier. « Mais, dis-je au père, si quelqu'un entre dans cette chambre, ne craignez rien. C'est une pièce que nous réservons pour la famille et les amis. » Personne n'y va sans ordre. Et d'ailleurs, prenez aussi la clé de la chambre. Nous n'en aurons pas besoin d'ici ce soir. Mille grâces, lui dis-je, et je suivis Regina. Elle me conduisit en effet dans une pièce basse et bien disposée. Le placard m'offrait son asile discret. J'y déposai la valise. Je pris la clé. J'emportai aussi celle de la chambre et je descendis l'escalier en poussant un soupir de soulagement. Pour quelques heures, j'allais donc jouir de l'existence comme un homme qui n'a jamais eu rien à faire avec la dynamite. Au moment de sortir de la vaste salle qui servait de cuisine et où j'étais allé remercier mon hôte, j'avisai un énorme monceau de volailles plumées, troussées, prêtes à rôtir. « Quel festin préparez-vous donc ? » lui demandai-je. « Eh, monsieur, c'est demain Pâques !» me répondit-il avec un large sourire. « Nous allons commencer à rôtir dans une demi-heure. » Il m'indiquait une grande cheminée pleine de bois prêt à flamber. Sans cela, nous n'arriverions pas à contenter tout le monde. Il y en aura plus d'un, cette nuit, qui mangera du rôti froid sans croire qu'il déroge. Une vague frayeur m'avertit qu'il pourrait bien y avoir quelques corrélations entre la cheminée et le placard où j'avais déposé mon dangereux fardeau. Mais je chassais cette idée comme un produit morbide de mon cerveau surexcité et je sortis d'un air dégagé. J'étais convaincu, je voulais être convaincu, qu'il n'y avait aucun danger à redouter du côté de la dynamite. N'avais-je pas dans ma poche les deux clés qui la garantissaient de toute approche? Cependant, je ne sais quel instinct de conservation me fit chercher pour y déjeuner une auberge située plus loin de là, dans un quartier tranquille et où d'ailleurs l'on trouvait d'excellentes fritures. À vrai dire, je mourais de faim. Ma montre marquait 11h30. Le bateau ne partait qu'à 3h. J'avais devant moi tout le temps nécessaire pour déjeuner confortablement et même me reposer après. Je m'assis donc dans un coin favorable aux méditations, près d'une fenêtre par où entrait une odeur délicieuse de fleurs printanières, et je me commandais un repas de choix. Je devais bien cela à un homme éprouvé par des émotions si nouvelles et si puissantes. J'avais pris un journal et je le lisais avec attention mais sans intérêt, car je ne pouvais me contraindre à songer à autre chose qu'à la grande mission qui m'était confiée. Le temps me semblait long, lorsque je vis paraître dans l'embrasure de la porte le garçon, souriant, qui portait triomphalement une pile de friture croustillante et dorée. « Je vous ai fait attendre, monsieur, » dit-il en s'approchant, mais une détonation formidable ébranla la maison et fit sonner tout le cristal de l'établissement. Quelques petits poissons tombèrent de ma friture. « Ah, mon Dieu » criai-je, « c'est elle !» Mes cheveux se dressèrent sur ma tête. En un clin d'œil, je vis comme une apparition épouvantable. La maison de mon hôte, réduite en miettes, lui-même, sa femme, et la mignonne Regina. Je me pris la tête dans les mains. Je voulais fuir. Je ne pouvais remuer. Dans mes oreilles bourdonnait le mot « assassin ». « Ils ont allumé le feu, » pensais-je. Il y avait un trou dans la cheminée qui communiquait avec le placard. Une seconde détonation plus violente encore, puis une troisième, et les cloches commencèrent un vacarme assourdissant. Le signor Francese a eu peur, dit gracieusement le garçon en ramassant les petits poissons tombés. Une autre horreur me saisit à l'idée qu'il allait les mettre dans mon assiette, mais il se contenta de les avaler délicatement. Le signor Francese n'a pas encore passé de Pâques dans notre beau pays. Nous avons l'habitude ici de tirer le canon le samedi saint, à midi, en signe de réjouissance. C'est une coutume très magnifique. Le canon continua à faire trembler toute la ville, et, ma première alerte passée, je continue à craindre qu'en vertu du principe « la dynamite éclate », etc., ces réjouissances très magnifiques ne fissent ce que les rôtis de mon hôte avaient épargné. Enfin tout se tut, cloche et canon, et mes oreilles se reposèrent dans un silence délicieux. Mais la friture était froide, d'ailleurs je n'avais plus faim. Je grignotais quelques friandises, quoique à contre-cœur, et j'allais me promener jusqu'au moment où il faudrait reprendre la chaîne de mes devoirs. Je voyais l'heure s'avancer avec un étrange sentiment à la fois d'angoisse et de satisfaction. De satisfaction parce qu'une fois le bateau parti, j'étais délivré. D'angoisse parce qu'à 2h, il faudrait aller chercher mon terrible fardeau et accomplir avec lui une nouvelle promenade dont je ne pouvais me représenter distinctement les périls, mais je considérais comme une sorte de descente aux enfers. La chaleur était devenue effrayante. Je pris une petite calèche et le cuir des coussins me brûla comme je m'asseyais. Je me dirigeais cependant vers l'hôtel qui m'avait causé tant d'émotions, en pensant que ses habitants ignoraient le danger et que même en cas d'explosion, à leur dernier soupir, ils ne m'en eussent pas rendu responsable devant eux-mêmes. Oui, mais moi. Au détour d'une rue, je vis un groupe considérable qui gesticulait avec frénésie, et le mot accident frappa mes oreilles à plusieurs reprises. Je fis arrêter la voiture et je manquis de ce nouveau sinistre avec un intérêt facile à concevoir. Il s'agissait simplement d'un homme qui s'était laissé choir sous les roues d'une charrette. Le pauvre malheureux était en piteux état, mais je lui sus égoïstement un gré infini d'être la victime de l'accident et non mes hôtes. Pauvre petite Regina, la maison était intacte, la broche tournait majestueusement, et la fillette vint à ma rencontre en sautillant. « Donnez-moi les clés. J'irai chercher votre valise, » me dit-elle en tendant sa jolie menotte. « Non, ma petite, j'irai moi-même. Laissez donc, elle n'est pas lourde, je puis bien la porter. Est-ce que vous avez peur que je la casse en la laissant tomber ? Malheureux enfant, tant de jeunesse et de grâce. » Je montai l'escalier. Je tournai la clé dans la serrure avec précaution, et puis j'entrai courageusement. Après les détonations de midi, si la dynamite n'avait pas sauté, c'est qu'elle est moins sensible au choc que mon traité de chimie ne voulait bien le prétendre. J'ouvris le placard. La balise était là, confiante, innocente, ne se doutant pas de ce qu'elle portait dans ses flancs. Je la pris par la poignée et je redescendis d'un pas plein de noblesse et de gravité. « Adieu, chers hôtes, » dis-je en m'asseyant dans la calèche. Et je me sentis le cœur véritablement allégé à la pensée que maintenant le danger n'était plus que pour moi seul. Moi seul, le cheval et le cocher. Mais la Providence aurait peut-être pitié de nous. Nous roulions sur une ancienne chaussée romaine qui conduisait à l'embarcadère. Ma chère tante, méfiez-vous des chaussées romaines. Elles sont semblables sous certains rapports à des souliers de chasse. C'est inusable, et cela vous fait mal tout le temps. Je ne sais pas si à l'époque des Romains elles n'ont jamais été fort praticables. Peut-être étaient-ils moins exigeants que nous à ce point de vue. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la solidité proverbiale de ces routes empêche qu'on ne les raccommode, et pourtant Dieu sait qu'elles ont besoin de réparation. Nous étions cahotés de telle façon que je saisis la valise dans mes bras au moment où un choc plus violent la projetait sur la chaussée romaine, et tout frémissant de mon audace, je la retins sur mon cœur. Mais cela m'empêchait d'ouvrir mon parasol, et la chaleur augmentait toujours. Enfin, mon martyr cessa. Nous étions au débarcadère. Il était temps, tout juste. La cloche avait déjà sonné deux coups. Une foule bariolée grouillait sur le pont de la Voluminia. « Nous sommes pleins à couler, » dit un matelot à un boulanger qui apportait du pain. Je me précipitai vers la machine, cherchant le second chauffeur que personne ne pouvait trouver. Enfin, il émergea de la soute de charbon et regarda ma valise d'un air entendu. Il avait été prévenu lui aussi. Il m'attendait, c'était clair. Décidément, la cause possède un service fort bien organisé. « Pour emporter à Raguse ?» dit-il en indiquant l'objet dangereux. « Oui. Papier d'affaires ?» Il n'avait pas entendu parler de dynamite, tant mieux. Mes angoisses lui seraient épargnées. « Oui, » répondis-je. « Il paraît qu'il fallait mentir aussi pour la cause. » « Vous pouvez vous fier à moi. Ce n'est pas moi qui vous trahirai. Non, monsieur, je mourrai plutôt. » Je lui serrai la main. Mes gants restèrent noirs de charbon, mais qu'importait. « Ne vous laissez pas prendre surtout, » lui dis-je à demi-voix. « Si on la trouvait, nous serions tous perdus. La police se glisse parfois à bord des bateaux pour faire des recherches. » Le troisième coup de cloche me coupa la parole. « Remontez vite, » me dit le brave affilié. « Le demi-affilié, devrais-je dire. » puisqu'il n'avait pas connaissance de la dynamite. Le remous de l'eau frappé par l'hélice faisait un fracas épouvantable. « Ne la laissez pas prendre » répétais-je machinalement pendant que mon frère d'armes bousculait sur le pont. On retirait la passerelle. « Attendez » cria-t-il d'une voix de stentor. Et tout bas, à mon oreille, pendant qu'il semblait me pousser. « Si l'on fait une descente, » dit-il, « mieux vaut perdre du papier que la tête. Je la jetterai dans le foyer de ma machine. Malheureux !» m'écriai-je. Tout le monde criait après moi, on me poussa sur la passerelle fut tirée avec moi, je m'accrochai à la rampe pour ne pas tomber, et trouvant des forces dans l'excès même de mon angoisse, je me retournai pour faire un geste de dénégation au second chauffeur. « Ne craignez rien » cria-t-il en se faisant porte-voix de ses deux mains, et il répéta avec énergie le geste de jeter quelque chose dans le brasier. Je tombai anéanti sur le ponton qui servait d'embarcadère. « Pauvre jeune homme, » dit une femme compatissante, « il vient sans doute de quitter celle qu'il aime. »« Cher Thécla, quelle amère ironie !» Je me relevai d'un air accablé. Je remontai dans ma calèche et je repris le chemin de la ville, indifférent désormais à tout, même à l'état du pavé de la chaussée romaine. La chaleur et l'émotion m'accablaient. Je me souvins que les autres affiliés m'attendaient en prenant des glaces. Cette idée me rendit quelque force. Et je me fis conduire au café de la place, où je pris aussi des glaces en rendant compte de ma mission. « Nous aurons un télégramme demain, » dit le chef. « Ce sera un peu long, car ils l'enverront par Venise. Que la Providence protège le navire. » Je n'osais pas leur faire part des intentions du second chauffeur. J'avais la migraine et j'allais me coucher. Pendant toute la nuit, je rêvais que le bateau sautait en pleine mer, si bien que je fus heureux de m'éveiller. N'importe quelle réalité, même avec la migraine, valait mieux que ce rêve. Vers 11 heures, je sortis de chez moi et j'allai au café. Le chef déjeunait avec un affilié. « Bonne nouvelle ?» lui demandai-je d'un air dégagé. « Pas de nouvelles, » répondit-il. « Mais il est encore très tôt, et avec ce jour de Pâques, tout est en retard. » Il mangeait tranquillement et m'offrit de déjeuner avec lui. J'acceptai. Un vent violent soufflait par rafales, balayant la poussière séculaire de la place. Le temps était triste et lourd et j'avais la mort dans l'âme. La ville était pleine de rumeurs et de joie. Pour faire comme tout le monde, il fallut rôder jusqu'au soir dans les rues populeuses. De temps en temps, le chef retournait chez lui, mais pas le moindre télégramme. Je le regardais d'un air de plus en plus inquiet. « La fête est cause de ce retard, nous dit-il à minuit. Nous aurons des nouvelles demain. » Le lendemain matin, rien. À midi, rien. À 3 heures, n'y pouvant plus tenir, je repris une calèche et me risquai encore sur la chaussée romaine. Il pleuvait à verse. Je cherchais le capitaine de port. Je le rencontrai. « A-t-on des nouvelles du bateau de Raguse ? » demandai-je timidement. « Pas arrivé, » répondit-il d'un air sombre. Il me sembla que mon cœur, blessé à mort, s'évanouissait dans ma poitrine. « Pas arrivé. Que supposez-vous » dis-je faiblement. « Est-ce qu'on sait ?»« Pas arrivé, » vous dit-on. « Et puis voilà. » Il me regardait d'un air soupçonneux. Je regagnai ma calèche et la fis voler sur la chaussée romaine, au risque d'arriver en morceaux. Mais il me tardait d'échapper au regard de cet homme et de me perdre dans la foule. Le lendemain matin, le journal de la localité donnait cette désastreuse nouvelle. On se perd en conjecture sur le sort du navire Volumnia, parti à destination de Raguse le samedi saint à 3 heures. Le navire était lourdement chargé. On craint qu'il n'ait sombré en mer, soit par suite d'une collision, soit à cause de la tempête qui depuis 3 jours ravage le littoral. J'allai trouver le chef. Il avait sur sa table la fatale gazette. Nous nous regardâmes et nous nous comprîmes, mais seulement à moitié. « C'est à recommencer, » dit-il avec un soupir. « À recommencer, » m'écriai-je. Je lui racontai alors mon entretien trop court avec le second chauffeur. Nous nous regardâmes encore, mais en nous comprenant tout à fait cette fois. « Pauvres gens, » dit le chef en passant la main sur ses yeux, « c'est pour la cause, inévitable fatalité. » Il se consolait avec la grandeur de la cause. Mais moi, qui n'avais pas tout à fait le même point de vue, j'étais absolument anéanti, et je rentrais chez moi, me demandant s'il fallait me tuer, ou partir pour Bella, au risque de vous déplaire, ou encore rentrer dans un cloître, pour expier. Mais je n'avais pas cette vocation-là, et secrètement je penchais pour le retour à Bella. Toute la ville était dans la plus grande anxiété. La Volumnia, en effet, était chargée à couler, ainsi que l'avait dit le matelot, et grand nombre de familles étaient inquiètes sur le sort des leurs. De plus, l'intérêt dramatique qui s'attache à ces sortes d'aventures procurait à tous ceux qui n'avaient à craindre pour personne des émotions si faciles que poignantes. Pour moi, chassé de ma demeure par un besoin maladif d'avoir des nouvelles, je marchais la tête basse comme un condamné, écoutant sans en avoir l'air les commentaires épouvantables qui se faisaient à chaque coin de rue. Ils parlaient, les malheureux, de charges trop lourdes, de tempêtes effroyables. Hélas, je savais bien moi, que ce n'était ni la charge ni la tempête qui avait perdu la Volumnia. C'était le zèle imprudent de mon infortuné frère d'armes, le second chauffeur. Mes gants jetés sur la table étalaient à mes yeux, comme un tableau de misère, les traces noires qu'avait laissées sa main loyale, mais charbonneuse. C'était à 7 heures tout ce qui restait de lui. La nuit tomba sur la désolation de la cité tout entière, mais je ne pus trouver de sommeil. Vers le matin, brisé, fiévreux, je m'endormis pour ne me réveiller que plus tard, bien après 10 heures. Rejeté aussitôt dans la réalité que j'avais oubliée, j'ouvris ma fenêtre. La morne tristesse de la veille avait fait place à la gaieté habituelle des villes d'Italie, plus gaie encore quand arrive le printemps, cette fête des fleurs et du soleil. Un portefeuille, mon voisin, dont la mère était sur le navire, que la veille j'avais vu accablé sous le poids d'une indomptable douleur, passait, une fleur à la bouche, en chantonnant un motif de Verdi. Je l'appelais de ma fenêtre, tout en me demandant si le chagrin n'avait pas troublé la raison de cet infortuné. « Eh !» lui dis-je, « Pepino, la Volumnia, hein ?»« La Volumnia est arrivée, monsieur, » répondit-il en levant la tête. « Arrivée à Raguse hier soir, après avoir tenu la mer 48 heures de trop, à cause de la tempête. C'est ma sainte femme de mer qui a dû être malade. En aura-t-elle dit des chapelets ?» pourvu que le mal de mer lui en ait laissé la force. Il me salua et s'éloigna en riant. Je rentrai ma tête à l'intérieur et m'assis près de la fenêtre, dans un accablement délicieux. Au bout d'un instant, je me sentis comme un homme qui a sauvé la vie de ses semblables, et une vigueur nouvelle envahit tout mon être, tout à l'heure déprimé par le sentiment d'une effroyable responsabilité. Je fis une toilette de fête et je descendis dans la rue où je retrouvai bientôt mes amis les affiliés. Ils étaient certainement fort satisfaits de la bonne nouvelle, mais je ne leur trouvai pas cet air d'allègement que je m'attendais à voir sur leur visage. Évidemment, ils n'avaient pas partagé mes angoisses. Je me demandais s'ils avaient bien compris le danger couru par tant d'innocents, et j'arrivais à me convaincre qu'ils n'y avaient pas songé une minute. Voilà, ma chère tante, comment j'ai passé les fêtes de Pâques.